Chapitre 12. L'ordre dans l'évêtement et la propreté. L'hospitalité de la fermière Lorraine. Voulez-vous qu'au premier coup d'œil on pense du bien de vous? Soyez propre et décent. Les plus pauvres peuvent toujours l'être. Après plusieurs temps de repos, suivis de marches courageuses, les deux orphelins aperçurent enfin vers midi la petite pointe du clocher de Selles. Fritz leur avait laissé un mot de recommandation pour la veuve d'un cultivateur de ce village, et il se réjouissait d'arriver. Mais avant de se présenter au village, André se souvint des conseils que Madame Étienne leur avait donnés. « Mes enfants, leur avait-elle dit, partout où vous allez passer, personne ne vous connaîtra. Ayez donc bien soin de vous tenir propres et décents, afin qu'on ne puisse vous prendre pour des mendiants ou des vagabonds. Si pauvre que l'on soit, on peut toujours être propre. L'eau ne manque pas en France, et rien n'excuse la malpropreté. » Julien, dit André à son frère, n'oublions pas les conseils de la bonne mère Étienne. Mettons-nous bien propres avant de nous présenter chez les amis du garde. Oui, dit l'enfant, courons au bord de cette jolie rivière qui coule près de la route. Nous nous laverons le visage et les mains. Ensuite, répondit André, je brosserai tes habits avec mon mouchoir. Nous rangerons bien nos cheveux, nous frotterons nos souliers avec de l'herbe pour les nettoyer, et comme cela nous n'aurons pas l'air de deux vagabonds. Aussitôt dit, aussitôt fait. En un clin d'œil, ils eurent réparé le désordre causé par une nuit et une demi-journée de voyage dans les bois à travers la montagne. Lorsqu'ils eurent fini leur toilette, André jeta un dernier coup d'œil sur son jeune frère, et il fut tout fier de voir la bonne mine de Julien, son air bien élevé et raisonnable. Tous les deux alors se présentèrent dans le village et cherchèrent la maison de la veuve, dont ils avaient l'adresse. On leur indiqua une ferme, située à l'extrémité du village. En entrant dans la cour, ils virent un grand troupeau de belles oies lorraines, qui se réveillèrent en sursaut au bruit de leurs pas, et les saluèrent de leurs cris. Ils s'avancèrent vers la porte de la maison, suivis du troupeau, et accompagnés d'un bruyant tapage. La fermière vint sur le pas de sa porte et regarda les enfants, qui s'approchaient d'elle, chapeau à la main. Dès le premier coup d'œil, la ménagère, femme d'ordre et de soins, fut bien prévenue en faveur des enfants, qu'elle voyait si soigneux de leur personne. Aussi, lorsqu'elle eut lu le billet de Fritz, elle fut tout à fait gagnée à leur cause. « Quoi, pensa-t-elle, ces enfants ont fait seuls et la nuit une route si longue dans la montagne? Voilà de jeunes cœurs bien courageux et dignes qu'on leur vienne en aide. » Elle les accueillit aussitôt avec empressement, et comme on se mettait à table, elle les plaça auprès d'elle. Le dîner était frugal, mais l'accueil de la ménagère était si cordial et nos jeunes voyageurs si fatigués qu'ils mangèrent du meilleur appétit la soupe aux choux et la salade de pommes de terre. Oie de Lorraine. C'est une des races les plus répandues dans le nord et l'est de la France. Elles sont petites mais robustes. Les oies de la plus haute taille se trouvent dans le Languedoc. Les oies aiment la propreté. Si elles ont de l'eau pour se baigner et une litière fréquemment renouvelée, elles apportent davantage et dédommagent la fermière des soins qu'on leur donne.